des silences dans ton cœur agité. Tes lèvres se balancent comme pour remercier. Enfin, tu pourras comprendre. Enfin, tu pourras entendre le murmure des brises, l'écho des montagnes qui emporte les battements de mon cœur inquiet jusqu'au rivage de tes lacs, de tes lacs. Tu recevras par le vent ces lettres cachetées que l'amour dépose au creux des rochers sauvages, là où brûle un visible message, source des rêves et des nuits sans trêve, perdues dans l'indicible sommeil qui sale régner les amants en détresse. En détresse. Tes lèvres se balancent comme pour remercier. Enfin tu pourras comprendre. Enfin tu pourras entendre le murmure des brises, l'écho des montagnes qui emportent les battements de mon cœur inquiet jusqu'au rivage de tes lacs dormants.